dans le ghetto, le crapulent taxi qui donne. J't'étonne, j'nique les traits qui donnent. Mais pas te rendre chez toi pendant que tes voisins y dorment. J'étais au check toute la journée, j'savais même pas ce que j'voulais. Le matin les petits scaboulés, les mamans étaient chamboulées. On passait qu'à fumer à saouler, ce qu'on disait on l'assumait. On s'insultait quand c'était mal luné, désolé j'pouvais pas t'assumer. Ils veulent marcher sur nos reins, y'a des civils sur nos reins. T'es nouveau au quartier depuis quand tu veux marcher sur nos reins. Et regarde ce que je dis, tous les jours je m'en dis. La presse moi je la fuis, elle me colle je fais pour fuir. Et regarde ce que je dis, tous les jours je m'en dis. La presse moi je la fuis, elle me colle je fais pour fuir. Y'a des R sur le terrain, on s'aère, faut pas en faire. J'crois qu'on dérange, sur grand terrain, qu'on m'observe. Moi je serve, j'accélère, j'trouve ça étrange. Picole, pour ceux qui grattent qui volent. J'représente le ghetto, le crapulent taxi qui donne. J't'étonne, j'nique les traits qui donnent. Mais pas 30 chez toi pendant que tes voisins y dorment. Sans confiance on m'a dit, évite les coins où ça tire. J'ai pas le temps pour tes blabla, faut que j'trace j'ai un avenir à bâtir. Christian Dior, Dolce Gabbana, la Cross Prada ou Versace. J'me dirais que j'pensais tout le temps à ça, ancien au quartier. Maintenant ça traîne pour pas cher, tu peux te faire trahir par ta chair. Une défauche, merci, t'assures, est-ce que tu m'hébergeras le jour où ça me cherche. J'suis blessé, tout le monde le sait, j'suis trop fumé, là j'vois les étoiles. Et dès que tu te manques une fois, on dit, reviens pas trop tard, j'suis plus besoin de toi. J'picole, j't'étonne, j'picole, j't'étonne, j'picole, pour ceux qui grattent qui volent. J't'étonne, j'nique les traits qui donnent. J'picole, pour ceux qui grattent qui volent. J'représente le ghetto, le crapulent taxi qui donne. J't'étonne, j'nique les traits qui donnent. Mais pas 30 chez toi pendant que tes voisins y dorment. J'picole, pour ceux qui grattent qui volent. J'représente le ghetto, le crapulent taxi qui donne. J't'étonne, j'nique les traits qui donnent. Mais pas 30 chez toi pendant que tes voisins y dorment.